Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Les éditions d'Ammaj ont le plaisir de vous présenter Durus al-Madina, al-Juz al-Thani, les cours de Médine, tome 2, une suite de cours donnée par le frère Khalil al-Martiniki, hafidhullah ta'ala, au sein du centre d'études islamiques Darul Hadith al-Salafiyyat bi-Dammaj, au Yémen. Cours numéro 9, première partie. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala que ce travail soit profitable à l'islam ainsi qu'aux muslimoun. Bismillahirrahmanirrahim. As-salatu was-salam ala nabiyyina Muhammadin wa ahlihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmid din. Amma ba'd. Awalan, sanabda' bi taswib at-tamarinat min ad-dars at-tasi'. Parce qu'on avait sauté le dars le dernier sabi'. On est assis à ce bout d'aujourd'hui, inch'Allah. Donc, on prenait les questions. Ajib al-Asilat al-Atiya. Eina Zahaba al-Abna'u Ba'da al-Dersi. Où ont été les enfants ou les fils après le cours? C'est ça? Zahaba al-Mal'abi. ذهبوا إلى الملعبي. ثانيا ماذا قرأوا في المكتبة؟ كنت لو dans la bibliothèque. قرأوا الصحف. نعم. Ils ont lu les journaux. ثالثا من أي إذاعة سمعوا الأخبار؟ De quelle radio ont-ils entendu les informations? سمعوا الأخبار. سمعوا الأخبار. سمعوا الأخبار من إذاعة الرياض وإذاعة القاهرة وإذاعة لندن. نعم. من الذي أخذ الكتاب؟ Qui est celui qui a pris le livre? أخذه يوسف. نعم, c'est Youssouf qui l'a pris. من الذي أخذ المجلة؟ Qui est celui qui a pris le le magazine. Akhadaha Marwan. Non, c'est Marwan qui l'a prise. Aina dhahabat al-banat? Où ont été les filles? Dhahabna ziyarati mudirati. Non, elles ont été pour visiter la directrice. Kam daqiqatan jalasna 'inda al-mudira? Combien de minutes sont-elles assises chez la directrice? جلسنا 20 دقيقة. لا. ما أخذنا كذا والجملة من حيث النحو خطأ. خذ الجملة كما أخذنا في الدرس. جلسنا عندها. ما الكلمات التي؟ سي كوا المو كيزون بوي دون ليف؟ با دي 20. دونك تي دان اوت مو. ثلث ساعة. ثلث ساعة. نعم. أما يوت الماضي كوم ان مينوت. Je n'ai pas demandé combien de temps. Parce que je n'ai pas compris qu'il a appris les règles pour ce nombre-là, pour tout ce qui ressemble au Jamzak al-Salim, parce qu'il est Mansoub. On n'a pas appris encore. Donc, Jalasna, Thulut al-Sa'a. Jalasna, Thulut al-Sa'a. Elles se sont aussi un tiers d'heure, ce qui équivaut à 20 minutes. Aina, Beit al-Mudira. Où est la maison de la directrice? Elle est entre le masjid et l'école. Aina wada'at Su'ad al-miknasata? Où est-ce que Su'ad a-t-elle posé le balai? Wada'athu taht al-sullami. Non, elle l'a posé sous l'escalier ou l'échelle. Thaniyan, da'ad al-alamata al-khat amam al-jumal al-sahiha wa da'ad al-alamat al-salib amam al-jumal al-lati laysa al-sahiha. أولا لعب الأبناء كرة القدم في الأسبوع الماضي. Donc les fils ont joué au football la semaine dernière. خطأ. نعم خطأ. كان كرة الصلاة. ثانيا دخل بلال المستشفى قبل 3 أيام. Donc Bilal est rentré à l'hôpital il y a 3 jours. صحيح. ثالثا سمع الأبناء الأخبار من إذاعة القاهرة وإذاعة الرياض وإذاعة لندن. Donc les fils ont entendu les informations depuis la radio du Caire, Kahira, ou celle de Riyad et celle de Londres. Sahih. Non. Rabian, el kitabu ghilafuhu asfar. Le livre a une couverture jaune. Khamisan, baytul mudirati bayn al masjidi wal madrasa. L'école de la, non, l'école de la maison de la directrice entre le masjid et l'école. El um wajadat el miknasa. La mère a trouvé le balai. Non. طيب ثالثا هذه الاسئله كما قلنا لا تتعلق بالنص بس رابورت كو تيكست اجيب عن الاسئله الاتيه اولا متى خرجتم من الفصل quand êtes-vous sorti de la classe خرجنا بعد صلاه العصر بصلاه الظهر ثم sorti après salat al-dhuhr ثانيا اين ذهبتم بعد الدرس و êtes-vous allé après le cours ذهبنا الى الملعب Sommes allés au terrain de jeu. Falisan, min ayi idaatin samiatum el ahbar. De quelle radio avez-vous entendu les informations? Samianaha min idaati sam'a. Rabian, akurat el kadami la'ibtum am kurat el salla. Avez-vous joué au football ou avez-vous joué au basket? La'ibna el kurat. كرة القدم. كرة القدم. نعم. طيب. Nous avons joué au foot. رابعا. Ah ça, on a déjà pris ça ensemble. صح؟ Non. Ah ouais. On avait fait comment dire. Il y avait quoi après؟ طيب. أولا، نسألك ما معنى كان؟ كان؟ نعم. ما هو؟ C'est quoi Kana? Kana Mudorisu Fil Fosli Kobl Khams Dakaik. C'est quoi Kana, Awalel? C'est. Non. Fial. Fial, non, Fial Mahdi. Fial être. Ou Al Mudorisu. Si on te dit Kana Mudorisu Masalan Kaiman. Al Mudoris, ça veut dire quoi ce mot arabe? Kana Mudorisu Kaiman. Non. Le mudarrisou, il va être quoi? Ismoukana. Yarabou, Ismoukana, Marfou. Waka Iman, ça va être quoi, Sami Arab? Khabarkana. Khabarkana, Mansoub. Il y avait quoi pour aujourd'hui également? Deuxième. Atril alifollem, ta'alif, ala kalimet, il lati tahta khot, anel luzum. Bon, ça là, Inch'Allah, on va le faire, bien que on n'ait pas bien vu comme ils nous l'ont précisé. Les mots qui sont sous-titrés ou sous qui ont un tiré en dessous, il n'y a pas vu. Inch'Allah. C'est comme on avait dit, que tu devais écrire la phrase, c'est ça, avec mettant les follem. Taïb. Je mets l'oula. L'iman zakel beitu zu babin ahdar. À qui est cette maison qui est une porte verte? L'iman zakel beitu zu al babul ahdaru. Al babi. Moudof. D'ailleurs, là, c'est ce qu'il y a des gens dans le Nahou disent que après Zou, il est Moudof à Nakira, toujours. Et cette parole-là n'est pas correcte. Et d'ailleurs, le Coran le prouve. Zou l'arche majid. Zou el arche. Tu vois, il y a un lifolem. Parce que ils disent que Zou après Zou, t'as pas de nom avec un lifolem qui vient. Donc cette parole-là, ou marjouh, c'est pas le plus authentique. Thanyen. Man zalik al fata zou nazaratin saghiratin. Qui est ce garçon qui a des petites lunettes? Man zalik al fata zou nazarati al saghirati. Non. Thalithan. ذلك الرجل ذو حقيبة جميلة طبيب مشهور. Donc cet homme qui a une valise, une belle valise, est un docteur ou un médecin célèbre. ذلك الرجل ذو الحقيبة الجميلة طبيب مشهور. نعم. رابعا من ذلك الولد ذو قميص أحمر. Qui est ce jeune ou ce garçon qui a un camis rouge? من ذلك الولد ذو القميص الأحمر؟ نعم. خامسا ذلك الفتى ذو شعر طويل طالب جديد. Donc ce garçon aux cheveux longs est un nouvel étudiant, un nouvel élève. Alors ذلك الفتى ذو الشعر الطويل طالب جديد. نعم. طيب أحسنت. سادسا لمن يدفتر ذو غلاف جميل. Pour à qui est ce cahier qui a une couverture rouge. لمن الدفتر ذو الغلاف الجميل. نعم. سابعا ذلك الرجل ذو نظرة مديرنا. Donc cet homme qui a des lunettes est notre directeur. ذلك الرجل ذو النظرة مديرنا. نعم. ذلك الرجل ذو قامة طويلة هو مؤذن مسجدنا. Donc cet homme de grande taille, on dirait comme ça, est le muazzin de notre masjid. ذلك الرجل ذو القامة الطويلة هو مؤذن مسجدنا. مؤذن مسجدنا. نعم. موزين مسجدنا. طيب. تاسعا نزل من السيارة شاب ذو ثياب نظيفة. Donc, dans l'ordre, on dirait plutôt un jeune garçon est descendu de la voiture. Je sais pas si ça se dit comme ça. Un jeune garçon aux vêtements propres. Ou plutôt un jeune garçon aux vêtements propres. Est descendu de la voiture. Siyeb, c'est Jem de Thaoub. Taïeb. Nazala mina siyarati al-shabu. Là. C'est pas là qu'il faut mettre le phonème. Shab, il reste comme il est. Shabun. Non. Zul siyabi. Nadifati. Et on peut pas mettre le shabu, on peut pas le. Le mettre ma'arifa. Descendu de la voiture, le garçon avec les vêtements de propre. Tu peux, mais là la phrase n'était pas comme ça. Donc en fait, ouais, c'est bon, là en fait, je crois que j'ai cerné ce qu'ils ont voulu faire comprendre. Quand est-ce que tu mets Alif Walem ou Moudov de Zou, quand est-ce que tu ne mets pas? Tu ne mets pas quand? Tu ne mets pas dans cette phrase-là? Faut pas le mettre. Pourquoi? Parce que Zou, vous voyez, Zou, c'est Naht de Sheb. Vous voyez, et Sheb ici, il est Nakira. Vous voyez, Sheb ici, il est Nakira. Donc, Zou, il vient après lui, il est Naht. Et le Naht d'un Nakira doit forcément être Nakira comme lui. Et pour que le Moudof soit un Akira, il doit être Moudof à un Akira pareil. Alors on ne peut pas dire Cheb Zou Siem. Parce que là, ça va être un Moudof à un Marlifa, donc il va être Marlifa. Et un Art Marlifa peut être Nart d'un Ism Nakira. Donc en fait, c'est ça qu'ils vont faire comprendre. Mais apparemment, là, dans tous les trucs, il n'y a que celui-là qui est Nakira. Si je ne me trompe pas. Ça, tous les autres, ils sont Marlifa. Dans la phrase 1, Zak El Beit. Dans le 2, El Fata. Dans le 3, El Rajoul. Dans le 4, Al-Walad. Dans le 5, Al-Fata. Ils sont tous Ma'alifa à part celui-là. Donc, en tout cas, celui-là, on ne peut pas mettre Alif Walem à Siyem. On est obligé de dire comme c'est resté là. Il y a Nazalam Nesayarati, Shabun Zou, Siyebin Nazifatin. Celui-là, on ne peut pas changer. Mais tous les autres, on peut le mettre. Ça veut dire que ma phrase, elle est fausse. Si je mets Ma'alifa, Shabun. Il faut laisser la phrase, ils n'ont pas la changer. Ah, mais grammaticalement, ma phrase, elle est bonne ou elle est fausse? Quoi, si tu mets les Folem? Ouais. À Thieb? Non, à Shebou et à Ouais, si tu, mets, si tu mets à Sheb, ouais. C'est juste pour savoir si je dois la parler. Si tu mets un Lifolem à Sheb, tu dois remettre un Lifolem. À Thieb. Et un Nadif. Non. Mais si tu mets pas à Sheb, tu n'en mets pas à Thieb, et encore moins à Nadif. Non. Mais il n'y en a qu'un seul, en fait, hein, en tous. En tout cas, cet exercice-là, il n'est pas clair. Peut-être que dans les autres tabara, il est plus clair. Tu vois. Ah, peut-être. Peut-être qu'il y a souligné. Taïb. Ashiram. Al-Mujallatu Zatu Suwarin Mulawwanatin. Al-Mujallatu Zatu نعم في المجازين عندي ايماج اون كولور هذه دراجة ذات عجل ثلاث لابن الصغير دونك سيت موتو سو فيلو on dira plus je pense qu'il veut dire vélo plutôt parce que c'est un petit garçon puis même en fait moto ça se dirait al-daraja al-bukhariya du mot bukhar qui veut dire vapeur ou daraja nariya en fait ça c'est comme ça qu'on dirait moto réellement mais aujourd'hui on a conçu on dit daraja tout simplement qui peut être aussi s'appliquer sur un vélo donc il dit ce vélo a trois roues et pour mon petit ou le petit mon fils le plus petit. Non. Là même s'il a pas dit el asrar, on comprend que en disant le sourire, c'est le plus petit qui veut dire. Vous voyez, même s'il a pas mis ismotovdil, on comprend qu'il a voulu dire par là son fils qui est petit. Thania achar, tilka al masajid ذات منائر عالية جميلة جدا. Donc ces mosquées ou ces masajid qui ont des minarets hauts ou élevés sont très beaux. Non, c'est pas vrai. Alors, تلك المساجد ذات المنائر العالية جميلة جميلة جدا. نعم. وهذا الكل مو صحيح. على خلاف ما يظن الناس. يبي كوا دوت؟ نعم. كون جملا مستعملا الكلمات الآتية. Donc on, tu dois faire des phrases en utilisant les mots qui sont cités en dessous. دخل. دخل الرجل البيت. نعم. بحث عن. Qui veut dire chercher. الطالب بحث عن كتابه. عن كتابها عن كتابه. C'était plus que ça. حرف الجر. Donc majour. طيب. عن c'est حرف الجر. الأسبوع الماضي. ذهبت إلى مكة الأسبوع الماضي. Je te dirais oui et non. الأسبوع الماضي. Je te dirais oui. Parce que eux ils t'ont demandé أسبوع مرفوع. Mais je te dirais non, c'est dans ta phrase, Osbourg, il ne peut pas être mal fort. Il doit être mal souple, ça va être un zarf de même. Osbourg, il m'a dit ? Non, mais il le voulait mal fort. T'as fait voir comment dans le texte ils l'ont mis, la Anna, ou la Tricodem. Là, ils n'ont pas mis. Mais en fait, pour eux, dans la phrase, si, il est majrour. Parce qu'ils ont dit fil usbu'il mardi. Vous voyez, ils ont mis fil usbu'il mardi. Donc il est majrour dans le texte. Dans ta phrase, il aurait dû être mansoub. Et eux, ils l'ont présenté marfoua. Khair, Inch'Allah. On ne va pas se prendre la tête. Al-Barihata. Sharibtu qahwata al-Barihata. Oman, il t'a pas dit ça. Hein? Il ne t'a pas dormi après. Ziyaratun. Je visite. ذهبنا لزيارة مكة. مكة. ذو. أين الرجل ذو القميص الأبيض؟ ذو. القميص الأبيض. نعم. نصف. Qui veut dire moitié. شربت نصف ال. نصف. نصف. شربت نصف ال. Finjani. طيب. J'ai bu la moitié de la tasse. Elle aime ça trouve. Puis elle terce. La tasse, y'a. Inch'Allah. On voit. Nassoum Tawil. عندنا الطلاب عندنا وناس كثير على كلين انا ساقرا مدرس نعم من كتوري وأيضا الجمل المعلقة c'est-à-dire les textes les mots qui ne sont pas attribués à un orateur c'est les phrases qui ne sont pas dites par quelqu'un et très d'autres trucs toi tu veux dire les toulab taïeb toulab et chacun des toulab est dans parce que des fois ils vont au début des toulab après vont dire bon rahman après vont dire foulen tu veux dire cela et à la fin je crois qu'il y a autre chose non vérifie non ça va tout le monde adresse avec quand même فنبدا دخل المدرس الفصل ووجد فيه 15 طالبا فقط donc le professeur rentre dans la classe et n'y trouva que 15 élèves فقال لهم alors il leur dit quand on dit fa طيب fa là c'est un harf on traduit par alors فقال لهم alors il leur dit اين الطلاب الجدد الخمسة الذين جاءوا امس donc il dit où sont les nouveaux élèves qui sont arrivé hier. قال عبدالله تفضل عبدالله عبدالله دي حضروا اليوم وخرجوا قبل قليل أظن أنهم ذهبوا إلى المدير نعم donc عبدالله دي حضروا اليوم حضروا ils sont venus se présenter وخرجوا قبل قليل Ils sont ressortis peu de temps après. Avons-nous un homme Zahabou le Moudir ? Je pense qu'ils ont été chez le directeur. Taïeb. Raja Toulab ou le Khamsatou Bar de Khalil. Donc les cinq élèves revinrent peu de temps après. Fakal Laoum el Moudaris, donc le professeur leur dit Eh, il est le Moudiri Zahabtoum ya Abenaï, avez-vous été au directeur, au mes fils ? Kalou, il dit Nam, oui. ذهبنا إليه لأننا ما وجدنا أسماء أنا في القائمة. Donc ils disent nous sommes allés au directeur إليه à lui car ou parce que nous n'avons pas trouvé nos noms dans la liste. La liste de quoi? Les noms lorsqu'on fait l'appel. قائمة c'est bien liste. جلس المدرس وقال donc le professeur s'assit et dit أقرأتم درس الأمس يا أبنائي avez-vous lu le texte, le cours d'hier au mes fils, qaletullahu, donc les étudiants ont dit, naam. Naam, qara'nahu, wa katabnahu, wa hafidnahu. Naam, donc il dit oui, nous l'avons lu, nous l'avons écrit, nous l'avons mémorisé. Qaral mudarrisu, afahimtumuhu, donc l'avez-vous compris? Naam, fahimnahu jayidan, ma ashala. Donc il dit oui nous l'avons très bien compris qu'est-ce que ce cours était facile ça c'est ta'adjoub ça va venir dans le ders ma ashala da dersa c'est une formule d'exclamation pour dire qu'est-ce qu'il était facile tfaddal qala Abdurrahman Abdurrahman a dit ana ma fahimtu fihi thalatha kalimatin donc il dit je n'y ai pas compris trois mots qala Mudarrisu il dit ma hiya Quelles sont-elles ou quels sont-ils Que sont-ils ces mots Qala Abdurrahman. Qara'na fil darsi hadhihi jumlata aada jada min jaddi. Aada jaddi min khurtum. Akmil. Fiha fama. فما معنى هذه الكلمات الثلاث؟ طيب donc il dit nous avons lu dans le texte cette phrase après cette phrase mon père ou mon grand-père est revenu de Khurtoum donc quel est le sens de ces mots quand il dit fama ma'na c'est-à-dire donc quel est le sens de ces mots de ces trois mots quand le mudarrisu il dit ada ma'nahu ou ma'naha c'est-à-dire ha ça revient à kalima Raja'a. Donc, Ada, ça veut dire revenir. Wal jaddu ma'naha abul ab ou abul Donc, le jadd, c'est le grand-père ou la grand-mère. Le père du père ou le père de la mère. Je dis la grand-mère. Tu dis grand-père ou grand-mère, père du père. Non, c'est pas grand-mère. C'est jadda, grand-mère. Non, trompé. Jadd, c'est grand-père. ou le père de la mère, non, ou le père du père. La grand-mère, c'est Jedda, avec la thème al-Bouta. Ou al-Khurtoum, Asimatu, Soudan. Donc, Khurtoum, c'est la capitale du Soudan. Fahimta, as-tu compris? Al-Abdurrahman, Al-Fahimtu. Donc, il dit, maintenant, j'ai compris. Thumma fataha al-mudarrisu kitabahu wa qara darsan jadida. Donc ensuite, thumma c'est ensuite, l'enseignant ouvra son livre et lut un nouveau cours. Khalaqa Allahu ash-shamsa wal qamara wal nujuma wal arda wal bihar wa khalaqa kull shay wa khalaqa al-insana min tin. Thumma qama wa kataba hadha ad-darsa 'ala sabura. Donc il a lu Allah a créé le soleil et la lune et les étoiles et la terre et les mers. Et il a créé toute chose. Et il a créé l'homme d'argile, de terre. Ensuite, il se leva et écrit le cours sur le tableau. Rafa Mohammedun Yadaou Waqa. Donc Mohammed a levé la main et dit. Ma ma'na t'in, ya oustad. Donc il dit, que veut dire t'in, oh, professeur. Quand on dit ma ma'na, ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire? Quand l'homme dans le récit, il dit, at-t'in ma'na'u. At-turabu al-mukhtalit bil-ma. Donc, en fait, tin, c'est la terre qui est mélangée à de l'eau. C'est-à-dire de la boue, de l'argile. Wa rafa'a Faisalun yadahu. Et Faisal leva la main. Faqala lahu al-mudarris. Donc, le mudarris lui dit, indaka su'alun ya Faisal. As-tu une question au Faisal? Qala Faisal. Na'am, indi su'al. Il dit, oui, j'ai une question. Al-biharu. Al-biharu. Attention. Al-biharu. Jam'u. Le Bahri, Jam'u Bahri. Non. Donc il dit, est-ce que le mot Bihar, c'est le pluriel de Bahr, la mer? Quand le Mudarris, Na'am, wa kazalika. Oui, il en est ainsi. Comme le Hassanou, wa kal. Donc Hassan s'est levé et dit, Ma Jam'u Samai, ya Ustad. Donc il demande, quel est le pluriel de Sama, le ciel, au professeur? Quand le Mudarrisou, Jam'uha Samawat. Son pluriel, c'est Samawat. Et Samawat, Jam, Sama. Thumma sa'ala al-mudarrisu wa tullab iddata as'ila. Puis, l'enseignant posa plusieurs questions aux élèves. Al-mudarris yakoul. Man khalaqaka ya Ibrahim. Qui t'a créé, ou Ibrahim? Khalaqani Allah. Naam. Donc il dit, Allah m'a créé. Al-mudarris yakoul. Man khalaqakum ya abna'i. Qui vous a créé, ou mes fils? Khalaqana Allah. Naam. Donc il dit, Jamia, c'est tous ensemble. Khalaqana Allah. Allah nous a créé. Al-Mudarris yakoul, man khalaqani ya Abbas. Qui m'a créé, ou Abbas? Khalaqat Allah. Naam, Allah t'a créé. Ou c'est Allah qui t'a créé. Al-Mudarris yakoul, man khalaqa shams ya Abdullah. Qui a créé le soleil, ou Abdullah? Khalaqa Allah. Naam, khalaqa Allah, c'est Allah qui l'a créé. Comme tu vois, shams, c'est mouannes. Naam. Al-Mudarris yakoul, وَمَنْ خَلَقَ الْقَمَرَ يَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ. Et qui a créé la lune, ô Abdur Rahman? خَلَقَهُ اللَّهُ. Non, c'est Allah qui l'a créé. Comme tu vois, pareil, Qamar, c'est Muzakka, contrairement à notre langue. Al-Mudarris yakoul, وَمَنْ خَلَقَ النُّجُومَ يَا أَحْمَدُ. Et qui a créé les étoiles, ô Ahmed? خَلَقَهَ اللَّهُ. Non, c'est Allah qui les a créées. Yaqub, c'est toujours toi. Ya Ustad, عندي سؤال ليست له علاقة بالدرس. Donc Yaqub dit, ô professeur, j'ai une question qui n'a pas de lien avec le cours. Dans les Yaqub, ma huwa, qu'est-elle, c'est cette question. قرأت في كتاب أن النجوم أبعد من الشمس. أصحيح هذا؟ Donc il dit, j'ai lu dans un livre que les étoiles sont plus loin que le soleil. Est-ce que cela est vrai? Dans les Yaqub, نعم هذا صحيح. Oui, cela est vrai. Mimma khalaqallahu l'insanu ya Othman. Et de quoi Allah t'a créé l'être humain, ou Othman? Khalaqallahu l'insanu min tin. Naam, Allah créa l'humain de terre, d'argile. Mudarris, ahsanta ya Othman. Tu as bien dit, ou Othman. Ahsanta, ça traduit autrement, c'est tu as bien fait, tu vois, mais on doit le tourner dans ce qui correspond à la langue française. وَمِمَّا خَلَقَ اللَّهُ الْجَانَّ يَا أَبَا بَكَرْ. Donc il dit, de quoi Allah a-t-il créé les djinns, au Abu Bakr? خَلَقَ اللَّهُ الْجَانَّ مِنْ نَارِ. Non, Allah créa les djinns de feu. Al-Mudarris, يقول, كيف عرفت ذلك يا أبا بكر؟ Donc comment tu suis cela ou Abu Bakr? عرفت ذلك من القرآن الكريم فجاء في سورة سورة الأعراف أن إبليس قال لله أن خير أنا خير منه خلقتني من نار وخلقتهم من طين. نعم. Que dis-tu cela depuis le noble Coran? Car cela est venu dans Surat al-A'raf que Iblis dit à Allah dans le sens je suis meilleur que lui, c'est-à-dire que Adam, tu m'as créé de feu et tu l'as créé de terre, d'argile. Voilà Kibr, Aïn al-Kibr. Le sabab, il kharaj Iblis min al-Jannah ou al-Kibr. Il s'est cru meilleur que Adam du fait qu'il fut créé de feu et Adam de terre, ce qui causa son renvoi du Jannah. L'orgueil, أعوذ بالله. المدرس يقول أحسنت يا أبا بكر. Tu as bien dit يا أبا بكر. كم سماء خلق الله يا عبد الله. Combien de cieux Allah t'a créé ou عبد الله؟ خلق الله سبع سماوات. نعم. Allah a créé sept cieux. المدرس يقول وفي كم يوم خلق الله السماوات والأرض يا عبد الرحمن. Donc en combien de jours Allah t'a créé les cieux et la terre ou عبد الرحمن؟ خلق الله السماوات والأرض في ستة أيام. نعم. الله خلق السماوات والأرض في ستة أيام. نعم. الله خلق السماوات والأرض في ستة أيام. نعم. الله خلق السماوات والأرض في ستة أيام. نعم. الله خلق السماوات والأرض في ستة أيام. نعم. الله خلق السماوات والأرض في ستة أيام. نعم. الله خلق السماوات والأرض في ستة أيام. نعم. الله خلق السماوات والأرض في ستة أيام. نعم. الله خلق السماوات والأرض في ستة أيام. نعم. الله خلق السماوات والأرض في ستة أيام. نعم. الله خلق السماوات والأرض في ستة أيام. نعم. الله خلق السماوات والأرض في ستة أيام. نعم. الله خلق السماوات والأرض في ستة أيام. نعم. الله خلق السماوات والأرض في ستة أيام. نعم. الله خلق السماوات والأرض في ستة أيام. نعم. الله خلق السماوات والأرض في ستة أيام. نعم. الله خلق السماوات والأرض في ستة أيام. نعم. الله خلق السماوات والأرض في ستة أيام. الله هو الذي خلق سبع سماوات. وكذلك قال في كثير من آيات أنه خلق السماوات والأرض في ستة أيام. Et pareillement, il dit dans plusieurs versets qu'il a créé les cieux et la terre en six jours. فقال في سورة الحديد, donc il dit dans سورة الحديد le fer, والذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام. Il est celui qui a créé les cieux et la terre en six jours. وفي هذه اللحظة, et à cet instant, لحظة cet instant, رن الجرس وخرج المدرس من الفصل. Donc à cet instant, la cloche retentit et l'enseignant sortit de la classe. Là, on a, comme on a tout traduit, les mots sont déjà assimilés. كافي على تنا الأول والثاني. أبي. الثاني أنا خمنه. أيوة الثاني والثالث البيت. نعم. رابعا يقول ما معنى الكلمات الآتية؟ que veut dire ces mots؟ التين. ما معنى التين؟ الأرجيل. كما قال هو والتراب المختلط بالماء. c'est la terre mélangée à de l'eau. عادة. هذا فعل. عادة يعود. ما معنى عادة؟ عادة معناه رجع. رجع. نعم. et ça peut aussi visiter. تعود المريض. Mais le sens original, c'est « raja », revenir. « Al-Jadd ». Maman Al-Jadd. Al-Jadd. Non. « Man Jadduk ». Ah, c'est le grand-père. Non, le grand-père. Attention, alors, par contre, entre le « Jadd » et le « Jidd ».« Jadd » avec la fatha, c'est le grand-père. « Jidd », c'est le sérieux. Quand lorsqu'on dit « Jiddun », tu vois, ça vient de ce mot-là. « Jiddun », sérieusement, franchement, beaucoup. Non. Quand on dit « Laïsa Al-Jadd » La jadda. Non. Ça vient de l'origine de djid, mais là c'est un autre mot. Jadda. Avec un met et un tamar bouton. Et ça a un lien avec djid. Non. Khamisan. Ikrol misal, sumakmil mayali ala hirarihi. Donc il dit, lis l'exemple et ensuite tu combles les autres phrases en suivant l'exemple que tu as lu auparavant. Il dit, Asimatu soudani. El Khurtoum. Donc il dit la capitale du Soudan, c'est Khurtoum. Asima, c'est capitale. Taïeb, Jumel Oula, Ma'al Irak, l'Irak. Asima tout l'Irak, Bagdad. Nam. La capitale de l'Irak, c'est Bagdad, comme ils disent. Thanian. El Mamalaka, El Arabie, El Saoudi, le royaume de l'Arabie Saoudite. Aasimatul mamlakati al-arabiyyati as-saoudiyyati Riyad. Naam. Riyad. Riyad. Beaucoup vont dire c'est Mecca. Beaucoup disent Mecca. En fait, c'est pas Mecca. La capitale, c'est Riyad, le Makulta. Bien que Mecca est le meilleur lieu du monde. Thalithan, le Yémen. Aasimatul Yémen. Dammaj. Sana'a. Sana'a, naam. Rabi'an, Misr. عاصمة مصر القاهرة. نعم القاهرة الكير. طيب رسم. cours de géographie. طيب. maintenant il va entrer dans quoi? dans ce qu'on a pris dans le texte. ما أسهل هذا الدرس. ça s'appelle سيرات التعجب. c'est une formule d'exclamation. quand tu es surpris d'une chose. donc il dit سادسا اقرأ الأمثلة ثم اكتب الجمل الآتية مستعملا فعل التعجب. par exemple il dit هذا الرجل طويل. voyez cet homme est grand. déjà on commence par dire quoi nous? tabarakallah wa mubarak. faut pas lui porter l'œil.